Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Dupré 1862. Question 28. De la virginité de Marie. Marie a été vierge dans l'enfantement, pendant l'enfantement, et après l'enfantement. Elle fit vœu de virginité après son mariage. 1. La bienheureuse Marie a-t-elle été vierge dans la conception du Christ? Isaïe avait dit, 7:14, voilà qu'une vierge concevra. Vrai fils de Dieu par nature, le Christ ne devait pas avoir de père sur la terre, afin que la dignité de son Père céleste ne parût pas transférée à un autre. Son caractère de Verbe et l'excellence de son humanité voulaient aussi que sa chair fût conçue sans aucune altération pour le sein maternel. La fin de l'incarnation, qui était de nous établir enfants de Dieu, en faisait une loi, car le modèle de notre régénération devait se trouver dans sa conception même. Il fallait, dit saint Augustin, que, par un insigne miracle, notre chef naquit, selon la chair, d'une mère vierge, pour nous faire entendre que ses membres naîtraient spirituellement d'une autre vierge, qui est l'Église. Note. Pour l'honneur de Marie, il fallait que saint Joseph fût regardé d'abord comme le père du Sauveur. Il est appelé le père de Jésus de la même manière qu'il est nommé l'époux de Marie, à cause du lien sacré du mariage. Pour avoir droit à ce nom, il lui eût suffi d'adopter l'enfant d'une femme étrangère. Si la généalogie du Christ vient aboutir à lui, quoi qu'il n'en soit pas le père, c'est que l'Écriture n'a pas l'usage de faire figurer les femmes dans l'ordre généalogique. Joseph et Marie étaient d'ailleurs de la même tribu, l'un et l'autre descendaient de David. Fin de la note. 2. La mère de Dieu a-t-elle été vierge dans l'enfantement? Isaïe, après avoir dit, « Voilà qu'une vierge concevra », avait ajouté, « et enfantera ». La mère du Christ demeura vierge dans l'enfantement, rien n'était plus convenable. Si notre Verbe à nous-mêmes, quand il est conçu dans notre cœur sans corruption, doit en sortir avec la même pureté, comment le Verbe substantiel, qui est Dieu, n'aurait-il pas sauvegardé, en naissant, la virginité de sa mère? Se pouvait-il que, venant effacer nos souillures, il flétrit ce qui était intact et amoindri, par sa naissance, l'honneur et la dignité de sa mère? Note. La naissance du Christ fut un miracle de la puissance divine. Aucun obstacle, dit très bien saint Augustin, ne pouvait arrêter un corps uni à la divinité. Celui que, plus tard, on a vu marcher sur les eaux et entrer dans le cénacle les portes fermées, a pu certainement venir au monde sans préjudice pour la virginité de sa mère. Fin de la note. 3. La mère de Dieu est-elle demeurée vierge après l'enfantement? Nous devons repousser la doctrine d'Helvidius, qui prétendait que la mère du Christ avait eu plus tard d'autres enfants. Une erreur pareille fait injure au Christ, au Saint-Esprit et à la dignité de la Sainte Vierge, qui eût été la plus ingrate des créatures, si, après avoir enfanté un tel fils, elle avait volontairement sacrifié sa virginité, miraculeusement conservée. Note. Lorsque l'évangéliste dit, avant qu'ils fussent ensemble, il se trouva qu'elle avait conçu du Saint-Esprit, il n'exprime pas un fait ultérieur, il veut marquer seulement que la conception miraculeuse précède à toute union conjugale. Il appelle le Christ le premier-né de sa mère. Mais il faut savoir que les saintes Écritures donnent cette qualification, non seulement à celui qui a des frères, mais à celui qui est simplement né le premier. Autrement, le droit de primogéniture, fixé par la loi, n'aurait pu être constaté par les prêtres qu'après la naissance d'un second enfant, ce qui est faux, car les premiers-nés devaient être rachetés après un mois. Nombre 18, 16. Quelques-uns, voyant que l'Évangile parle des frères de Jésus, ont supposé que Saint Joseph avait eu des enfants d'une autre femme. Saint Jérôme observe que les frères de Jésus étaient simplement ses cousins, fils d'une autre Marie, sa tante. D'après le langage des Écritures, on peut distinguer quatre sortes de frères, les frères réels, les frères de nation, les frères par la parenté, et les frères par l'affection. Fin de la note. 4. La mère de Dieu avait-elle fait vœu de virginité? Marie répondit à l'ange, « Comment cela pourra-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. » Elle n'aurait pas parlé de la sorte, reprend saint Augustin, si elle n'avait pas voué à Dieu sa virginité. La bienheureuse Vierge, avant son mariage avec Joseph, n'avait pas fait vœu de virginité d'une manière absolue, elle s'en était remise avec confiance aux dispositions de la divine sagesse. Sous la loi ancienne, c'était un devoir, pour les femmes et pour les hommes, de concourir à l'accroissement de la nation. Mais, lorsqu'elle eut pris un époux, comme l'exigeaient les mœurs du temps, la virginité qu'elle devait posséder à un degré suréminent reçut, du consentement de Saint Joseph, la consécration d'un vœu. Ce qui le prouve, c'est que les œuvres de perfection accomplies par vœu sont plus louables que les autres. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.